Alors ça, c'est pour illustrer aussi l'entrée de la technologie dans toute cette culture-là. Parce que là, évidemment, il y a la technologie militaire, il y a la technologie des téléphones, etc. etc. Et donc, et comme je vous ai dit aussi, les jeunes, souvent, se mettent sur les toits pour regarder les bombardements. Et là, il se trouvait qu'il y a eu plusieurs des bombardements chaque jour, pendant plusieurs semaines sur Sama. Et donc, il y a des jeunes qui sont sur les toits comme ça, qui regardent. Et puis, il y en a un qui dit, je ne sais pas ce qui s'est passé, ils ont dû se tromper dans la programmation de l'avion. Ils ont dû... la programmation, le remote control a dû se coincer sur Sana. Donc, tout tombe sur Sana, c'est automatique.